Le docteur Johann Leubner, pionnier du mouvement critique contre la vaccination, est décédé. Le 13 mars 2018, le docteur Johann Leubner est décédé paisiblement à l'âge de 74 ans. Il a été fondateur et directeur de l'association Aegis Autriche, qui signifie « propre système immunitaire sain et actif ». Il était considéré comme le pionnier du mouvement critique contre la vaccination dans l'espace germanophone. Johann Leubner a travaillé comme médecin praticien pendant environ 45 ans et a dirigé un cabinet qui fonctionnait bien. Afin de pouvoir consacrer plus de temps et d'attention à chaque patient, Johann Leubner a de sa propre initiative réduit ses soins à un quota de travail quotidien raisonnable. Lorsqu'une méningite s'est déclarée chez un de ses patients, 2 heures après une vaccination contre les tiques, il a commencé son examen intensif et critique des origines de la vaccination. Il a ensuite été orateur lors de différents congrès et a publiquement déconseillé la vaccination. En 2005, il a été radié de l'ordre des médecins autrichiens parce qu'il déconseillait publiquement la vaccination. Au cours de l'été 2013, cette interdiction professionnelle a été levée par le tribunal administratif pour cause d'illégalité. Les juges les plus haut placés ont souligné qu'il n'était pas coupable d'inconduite envers ses patients. On n'a pas pu prouver que même une seule personne avait subi des dommages dans sa santé par le biais de son travail de sensibilisation. Après le décès, en septembre 2010, d'Anita Petek-Dimmer, critique de la vaccination bien connue dans l'espace germanophone, l'association Aegis Suisse, qu'elle avait fondée, a cessé d'exister. Suite à cela, Johann Leubner et son épouse Franziska Leubner ont fondé Aegis Autriche. Aegis a écrit ce qui suit au sujet du but de l'association. Le but d'Aegis est de sensibiliser les gens, en particulier les parents de jeunes enfants, à l'inutilité des vaccinations. En Autriche, il n'y a pas de vaccination obligatoire, c'est-à-dire que vous prenez la décision pour ou contre une vaccination et que vous en portez la responsabilité, pas le médecin. C'est pourquoi vous devez vous informer en détail sur les vaccinations. Avec le docteur Johann Leubner, le monde germanophone perd l'un des médecins les plus courageux et l'un des combattants les plus résolus en faveur d'un libre choix vaccinal. Bien qu'il soit décédé, son travail médicalement fondé et déterminé en matière d'enseignement sur les vaccinations restera. Au cours des 2 dernières années, le docteur Leubner s'est opposé avec véhémence à la menace de la vaccination obligatoire en Autriche et a organisé en mai 2017, en commun avec l'association Aegis, une manifestation pour un libre choix vaccinal en Autriche. Klagemauer TV a eu l'occasion d'interviewer le docteur Leubner lors de cette manifestation en Autriche. 3 mois plus tôt, Klagemauer TV, dans une émission en allemand, avait pu l'interviewer sur la question de savoir pourquoi une obligation de vaccination ne peut être médicalement justifiée. Voici quelques déclarations du docteur Leubner, extraites d'une émission d'archives qui sera à nouveau diffusée dans son intégralité par la suite. Récemment, l'obligation vaccinale est exigée à cause de certaines maladies, qui en réalité ne jouent pas un grand rôle, mais que tout à coup, des chiffres présentent comme dangereuses et extrêmement contagieuses. Quand on entend ces deux qualificatifs, la rougeole est très dangereuse et très contagieuse. En Europe centrale, dans nos conditions de vie et avec notre constitution corporelle, la rougeole n'est pas une maladie dangereuse. Elle ne dure que quelques jours. À titre de comparaison, une angine purulente dure de 10 à 14 jours. Je vais dire une chose en ce qui concerne les vaccins obligatoires en général. Cela veut dire que nous oublions complètement que le niveau juridique le plus élevé, la chose la plus élevée, c'est ce que dit le droit européen. Là, il est écrit qu'une intervention médicale comme le vaccin ne peut être effectuée qu'après une information sérieuse et après un consentement personnel de la personne. Donc, personne ne peut me dire que je dois me faire vacciner. Ça, c'est clair, et ça fait partie de mon droit personnel. Déjà au XIXe siècle, le naturaliste et philosophe Sir Alfred Russel Wallace a expliqué que des vaccinations sont une intrusion dans les droits de la personne. Avec cela, la vaccination obligatoire est quelque chose de dictatorial et de totalitaire, et cela ne doit pas être, à notre époque moderne, les droits de l'homme. Mais il existe toutes sortes d'effets secondaires. L'encéphalite, la paralysie, la cécité, des maladies chroniques, l'hépatite. Qu'est-ce qui arrive alors? Alors, bien sûr, on essaie de nier ces effets secondaires. En mémoire du Dr Leubner et d'Anita Petek-Dimmer, les exposés des deux lanceurs d'alerte qu'ils ont faits lors de conférences AZK seront de nouveau diffusés dans les prochains jours en allemand. Origine et historique de la vaccination. Vaccination, le sens ou le non-sens ?